L'actualité à Nancy et ailleurs. On part aujourd'hui au Népal, ou presque, avec une association nancéenne qui soutient une école pour enfants défavorisés à Katmandou et qui a trouvé une façon très originale de lever des fonds cet été. C'est l'association Lorraine Culture du Monde. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Denis Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association et vous êtes venu accompagné de Nicolas Salle. Bonjour. Qui a le rôle de trekker. Oui. Voilà, c'est ainsi qu'on va vous présenter. Alors, bien sûr, l'association Lorraine Culture du Monde, elle existe depuis quelques années maintenant. Depuis 1999, notre première mission pour présenter l'association, ça s'est déroulé en 1999 chez Fadjet. C'était à Fadjet, voilà. Et oui, déjà. Et ça m'est passé des choses depuis ? Oh là là, oui. Au départ, c'était une association à but purement humanitaire, et puis on a rajouté des actions et des manifestations autour de tout ce qui est interculturel. Ce qui est lié à l'humanitaire, puisque pour sensibiliser l'humanitaire, eh ben, on utilise l'interculturalité, qui est aussi l'unicité culturelle du monde. Voilà, d'où culture du monde. Voilà. Et vous venez aujourd'hui donc nous parler d'un projet, c'est une grande traversée des Alpes. Vous pouvez nous en dire quelques mots, comment l'idée est venue et cette rencontre aussi avec Nicolas Salle. Alors l'idée est venue parce que ça faisait longtemps dans mes voyages que je souhaitais soutenir des associations locales, humanitaires ou environnementales. Et puis Nicolas m'a invité à l'accompagner sur le Népal. C'était l'occasion d'aller sur place plusieurs fois d'ailleurs, visiter l'école NAG. Tu sauras mieux le nom complet, Nawa. Nawa Achagria, l'école des nouveaux espoirs. Donc voilà. Nous sommes allés sur place et là c'était un coup de cœur, nous étions trois. Ben, on a décidé d'agir pour cette école. Donc là nous faisons des appels à dons. Nous sommes dans l'envoi de lunettes avec Écoutez-Voir Vendeuvre qui a reconditionné des lunettes. Donc on va leur envoyer régulièrement des paires de lunettes. On a déjà envoyé des vêtements et ben, ça se construit petit à petit comme ça avec l'espoir de retourner un jour... sur place, voir cette école et les montagnes. Nicolas Salle, oui. Donc vous, c'est vous qui allez voyager, faire ce périple ? Oui. Alors en fait, tout est parti d'un voyage au Népal que j'avais programmé. Et en fait, pour aller voir mon filleul, j'ai un filleul là-bas, donc un jeune que je parraine. Et donc, j'ai invité Denis à venir. Et Denis voilà, a eu l'idée de lui donner une dimension humanitaire au projet. En fait, tout est parti de là. Pour en revenir au projet en lui-même... Oui. L'idée, c'est de parcourir effectivement la grande traversée des Alpes, en fait du Léman à Menton, pour sensibiliser au projet, puis récolter des fonds en fait. Je vais passer de refuge en refuge en proposant une animation à partir d'un livre que j'ai écrit sur les mots de la montagne. L'idée, ce sera de susciter une contribution au chapeau en ligne. Il y aura aussi la possibilité d'acheter le livre en ligne en fait. Pour récolter de l'argent donc pour cette école. Absolument. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette école ? Quelles images vous en avez ? Je pense que Denis sera mieux placé que moi parce que il y a eu un petit événement là-bas en fait. Et ouais. Denis a pu en profiter un peu plus et voilà, il saura mieux vous expliquer. Cette école nous a été indiquée par notre contact sur place qui organisait ce trekking. Il nous a présenté plusieurs associations, dont une de femmes qui se chargeait d'aller nettoyer les villages, de sensibiliser un petit peu justement à des problématiques environnementales. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de statut associatif. Donc il nous a parlé de cette école, nous sommes rendus sur place. On a découvert une structure qui était vraiment, je ne sais plus depuis combien de temps, ça fait quand même une quinzaine d'années. Ah oui, oui, au moins, oui. Ils ont commencé avec une quinzaine d'enfants, ils sont à 450 maintenant, enfin internes et puis externes, et ils commencent aussi à recruter des enfants, enfin recruter entre guillemets, un petit peu partout au Népal. Au départ, c'était vraiment des enfants des rues. Bah, c'est une structure qui est déjà bien établie, qui est très sérieuse, parce que bon, sur place au Népal, bah, il y a beaucoup d'écoles entre guillemets, de gîtes pour enfants, d'actions plus ou moins humanitaires, bon, qui ne sont pas toujours très sérieuses. Mmh. Et là, bon, on avait vraiment tout les garanties. C'est vraiment une grosse école, donc il y a une partie internat, bon, maintenant ils sont minoritaires, les internes, on les a vus, il y a à peu près une soixantaine de gamins, je me souviens. Et tout le reste, bon, ce sont des enfants qui sont rassemblés sur Katmandou, ou vraiment toute la région de Katmandou. Quels sont les besoins de cette école alors aujourd'hui ? Les besoins, bah, ils sont multiples. Hein. Oui. Nous ne sommes pas les seuls à les soutenir, hein. Loin de là. Il y a d'autres associations qui les soutiennent depuis plus longtemps, notamment des associations suisses. Des besoins financiers, bien entendu, hein, pour pouvoir faire vivre un petit peu cette école, payer les repas, payer l'internat, payer les professeurs, les éducateurs. Tout ce qui est matériel scolaire, etc., bon, ben, ce n'est pas spécifique au Népal. Hein. Si on apporte de l'aide logistique, c'est vraiment en faisant très attention que ce ne soit pas des choses qui soient disponibles sur place. Hein. Il ne faut pas faire concurrence. Tout ce qui est économie locale. Oui. On est parti sur une partie plus ou moins médicale avec cette livraison de lunettes. Là, on fait un petit envoi de 13 paires de lunettes qui ont été donc reconditionnées par écoute et voir. Et donc, ça va être un test. Et puis, si ça marche bien, avec écoute et voir, on va augmenter ces envois. Parce que ça, c'est un besoin qui nous semble prioritaire. Nicolas Salles, c'est une région que vous connaissez bien? En fait, j'y suis allé pour la première fois avec Denis. On a découvert ensemble. Mais c'est un pays qui nous a séduit par sa population, par sa culture, par les paysages. C'est un pays hors normes, fantastique. Ouais. Le projet Alpinépali, cette traversée d'une partie des Alpes, elle représente combien de kilomètres? Combien de temps cela va prendre? Ça va me prendre un peu plus d'un mois, 30-35 jours à peu près, ouais. Avec quelques jours de repos. C'est l'équivalent de 600-650 kilomètres à peu près, avec 30-35 000 mètres de dénivelé en fait. Chaque étape n'est pas difficile en soi, ce qui est plus difficile c'est la répétition en fait des efforts et la durée en fait du projet. Et donc vous allez parcourir de refuge en refuge, oui. Pour parler de l'association, pour présenter votre livre aussi qui s'appelle ? Qui s'appelle « Mots facétieux, les farces cachées de la montagne voilà. ». Et donc aller à la rencontre des autres personnes qui sont dans ces refuges alors ? Absolument. Et puis voilà, présenter le projet et susciter une contribution en fait par rapport à mon animation sous les diverses formes que je vous ai présentées. C'est la première fois que vous participez à une action de la sorte ? Oui, oui, oui, tout à fait. Sous cette forme, ouais. Oui, complètement. Après, voilà, j'ai un peu l'habitude de la montagne et ça me permet de pas aller à l'aveugle, mais ouais. Oui, on s'y prépare un peu aussi à ce genre on s'y prépare un peu physiquement, oui, à encaisser toutes les étapes et tout le dénivelé, oui. Alors, pour vous aider aujourd'hui, comment on peut faire? Il y a une page Eloasso. Quels sont vos besoins aujourd'hui pour rendre cette grande traversée possible, qui aura lieu quand aussi, d'ailleurs? De début juillet à la mi-août. Donc, comment faire pour vous aider et comment vous aider? Il y a beaucoup de façons. Déjà, on peut faire des dons directs par Eloasso. Donc, ça, ce sont des dons directs. Et puis, à la fin de chaque année, leur faire parvenir. Par des moyens sécurisés, on passe par une autre association suisse. On ne fait pas d'envoi direct de façon à être sûr que ça arrive bien et que ça soit bien utilisé. L'autre façon, donc, c'est de soutenir le projet Alpinépali. Il y a deux possibilités, c'est soit d'être partenaire, bon, on a déjà Climb-up Maxéville, on a Intersport d'Essel et Nancy, qui nous ont fourni des petits goodies, des petits lots, mais qui vont permettre de récompenser, de donner un retour aux donateurs, notamment on sera à la fête des fraises de Maxéville au mois de mai, et ça sera l'occasion de faire une petite tombola, enfin on va organiser tout ça. On peut aussi faire un don direct par crowdfunding, donc toujours sur Eloasso. Pour ça, il suffit d'aller sur le site, on trouve très facilement, vous tapez Wix Lorraine Culture du Monde, voilà. Et là il y a une page qui est dédiée, qui s'appelle NAG Alpinépali. Il y a toutes les informations, il y a même tout le programme de Nicolas avec les dates, les gîtes où il se trouvera. Et puis une autre façon aussi pour nous aider, là encore beaucoup plus général, c'est de nous rejoindre, de rejoindre l'équipe. On est vraiment à la recherche, c'est très bien que le milieu associatif en ce moment, et c'est très très difficile, mais on recherche des membres qui viennent simplement nous soutenir, mais aussi et surtout des membres qui soient actifs, qui apportent un petit peu leurs compétences. Pour monter des projets comme celui-ci, et on en a beaucoup d'autres, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis des compétences qu'on n'a pas forcément. Ne pas hésiter à aller sur le site Lorraine Culture du Monde. On a une page Facebook aussi. Il y a tous les moyens pour nous contacter. On aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres projets, bien entendu, au cours de l'année. Nicolas Salles, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce voyage? Plein de beaux échanges. C'est une belle aventure qui est très stimulante. Tout ça pour l'école, pour aller se redonner son nom. NAG, c'est l'acronyme de Nawa Achagria, l'école des nouveaux espoirs. Merci beaucoup. Super. À vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.